بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on continue aujourd'hui. La semaine passée on avait expliqué certaines des choubouhat des mushrikins qu'ils utilisent pour essayer de rendre acceptable leur shirk, yani les choses qu'ils font qui sont de shirk. Et puis là, maintenant le chef il commence à expliquer il explique les différentes catégories de shirk à la fois. Le chef il dit بيان أنواع من الشرك الأكبر الشرك نوعان شرك أكبر وشرك أصغر والشرك الأكبر ينافي التوحيد ويخرج من الملة وله أنواع كثيرة سبق بيان بعضها بما يمارس حول الأضرحة وهناك أنواع أخرى منها. Donc le chef il dit le shirk c'est l'association, donner des associés avec Allah ta'ala, ou bien donner à d'autres que Allah une forme quelconque d'adoration, que ce soit la salat, le dua, ou bien d'autres qu'on va mentionner tout de suite, Inch'Allah, et qu'on a déjà expliqué dans d'autres cours avant. Donc, le chef, il dit que le chef, il est en deux degrés, ou deux catégories. Le shirk akbar, qui est le shirk majeur, et le shirk al-asghar, qui est le shirk mineur. Le chef il dit, le shirk al-akbar, yunafi al-tawhid, wa yukhrij min al-millah. Donc, il dit, le shirk qui est majeur, celui-là, il va à l'encontre du tawhid. Il annule complètement le tawhid, c'est-à-dire quelqu'un qui pratique ou fait un acte de shirk, automatiquement ça annule sa foi en l'unité de Dieu et puis ça le fait sortir complètement de la religion de l'islam. Il quitte la religion musulmane. Et le chef il dit voilà anwa'un kathira, il y a beaucoup de sortes, il y a beaucoup de formes de shirk qu'on a déjà parmi ces formes là il y en a qu'on a déjà expliqué dans les cours passés. Donc par exemple, là on a expliqué qu'est-ce qui se fait autour des tombes, il y en a de la tombe et ça fait parmi ceux qui se prétendent musulmans. Et il y a d'autres formes aussi de shirk dans l'adoration et on va en expliquer certaines d'entre elles, Inch'Allah. Donc la première que le shirk va expliquer, c'est un shirk ou un khawf. C'est-à-dire le shirk, l'association dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand quelqu'un craint quelque chose, bon, on va expliquer qu'est-ce que le chef dit, et après on va expliquer qu'est-ce que ça signifie, comme ça va être plus clair. Le chef dit, الخوف كما عرفه العلماء توقع مكروه عن أمارة مذمومة أو معلومة وهو ثلاثة أقسام. الأول خوف السر. الثاني أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس. والثالث الخوف الطبيعي. Donc ça c'est juste pour résumer, je fais un résumé de ce que le chef va expliquer. Il explique que la définition de la crainte ou de la peur et de la crainte d'après ce que les savants ont défini, savants de l'islam ont défini, c'est l'anticipation d'un mal, quelque chose de mal, donc on anticipe quelque chose de mal qui est présumé ou qui est connu. Donc on va expliquer qu'est-ce que ça signifie plus clairement, et le chef il dit que la crainte elle a trois degrés ou trois catégories de crainte. La première c'est la crainte secrète ou la peur secrète. La deuxième, c'est de laisser quelque chose qui est obligatoire, que Allah nous a obligé de faire, par peur de quelqu'un, ou par peur de certaines personnes. C'est-à-dire, on abandonne ce qu'Allah nous a ordonné de faire, parce qu'on a peur de certaines personnes. Et la troisième catégorie, c'est la crainte naturelle ou la peur naturelle. Et on va expliquer ces trois catégories-là, qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que ça implique. Donc le chef il dit, الخوف الأول خوف السر هو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاعوت أو ميت أو غائب أو من جن أو إنس أن يصيبه بما يكره كما قال الله عن قوم هود عليه السلام أنهم قالوا له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون قد خوف المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا صلى الله عليه وسلم من أوثانهم كما قال تعالى ويخوفونك بالذين من دونه. Donc, le premier cas de crainte ou de peur, le chef il dit que c'est la peur secrète. Et qu'est-ce que c'est cette peur secrète? C'est que tu crains quelque chose en dehors d'Allah, comme de craindre une idole ou de craindre un parout. On a expliqué le parout, c'est le diable ou tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, comme une idole ou. Une personne qui est obéie en dehors d'Allah, dans, ou un magicien, ou quelqu'un qui lit l'avenir, qui peut essayer de prédire l'avenir aussi, ce genre de sorcier ou des choses comme ça. Que tu as peur d'une personne qui est morte, tu as peur que, par exemple, peut-être elle va te faire du mal, ou de craindre une personne qui est absente, que ce soit un djinn ou un être humain. D'avoir peur que cette chose-là te fasse un mal quelconque. Et donc, après, il a mentionné l'exemple de Qom Hud, lorsqu'ils ont dit à leur prophète, nous disons que, eux, ils disaient au prophète, Yannou, que c'est une de nos idoles qui t'a rendu fou, Yannou. Alors, il essaie de faire peur au prophète en faisant croire que les idoles l'ont fait tomber sur lui un mal au point qu'il est rendu fou et c'est pour ça qu'il raconte et selon eux il racontait il y en a des n'importe quoi et il les appelait à abandonner leurs idoles, des choses comme ça. Donc le chef dit Allah ici dans cette ayat, je témoigne d'Allah, alors soyez témoins que je me désavoue de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Et alors il dit, alors rusez contre moi tous ensemble et ne me donnez aucun répit. Alors après il dit le chef que même les mouchriquins du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils essayaient aussi de faire peur au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en leur faisant peur, ils essaient de faire peur au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec leurs idoles. Et Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit justement à propos de ça, وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِكَ. Et ils essaient de te faire peur avec leurs idoles, en voulant dire, si tu parles en mal contre nos idoles, eh bien, nos idoles vont te faire quelque chose de mal, elles vont faire que un mal quelconque t'atteigne. Donc, ils essaient de faire peur aux personnes en mentionnant ces idoles-là. Et puis, en fait, il y a beaucoup d'autres exemples de ça dans la réalité aujourd'hui. Par exemple, quelqu'un peut avoir peur parmi les soufis, par exemple. Certains d'entre eux, ils croient que leurs chefs ont une connaissance de l'invisible ou bien de ce qui est dans les cœurs des gens qui les suivent. Alors, quand ils sont avec des gens, ils disent par exemple, fais attention parce que le chef, il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Donc, tu ne dois pas avoir des certaines idées ou pensées, quoi que ce soit, ou douter, que si tu as des doutes au sujet du chef ou quelque chose comme ça, parce que le chef il va le savoir, et donc ils ont peur du chef. Et c'est de cette crainte là qu'on parle, elles sont pour dire la peur secrète. Ou d'avoir peur que, par exemple, un mort ou une idole, il y en a envoie un sort ou que c'est pas quelque chose de mal de cette façon-là. Ou d'avoir peur d'un djinn. Il y en a beaucoup de gens, la crainte des djinns les pousse à faire des actes de shirk. Par exemple, dans certains pays musulmans, lorsque les gens vont à certains lieux pour faire une sorte de visite à certains djinns, ils adorent le djinn. Alors, quand ils rentrent à un certain endroit, eh bien, ils donnent leur forme pour apaiser les djinns. Donc, ils ont peur que les djinns vont les attaquer ou leur faire un mal. Alors, pour les calmer, pour pas qu'ils leur fassent du mal, ils leur donnent quelque chose en échange. Et ça aussi, ça tombe dans le chiffre parce qu'on n'a pas le droit d'avoir peur des djinns. Doit seulement avoir peur d'Allah. Le chef il dit après, « وَهَذَا الْخَوْفُ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ هُوَ الْوَاقِعُ الْيَوْمِ مِنْ عِبَّادِ الْقُبُورِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْأَوْثَانِ يَخَافُونَ وَيُخَوِّفُونَ بِهَا أَهْلَ التَّوْحِيدِ إِذَا أَنْكَرُوا عِبَادَتَهَا وَأَمَرُوا بِإِخْلَاصِ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الْخَوْفِ مِنْ أَهَمِّ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ يجب إخلاصه لله وحده. قال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى فلا تخشوهم واخشوني. فالله سبحانه وتعالى يزيد cette crainte lorsque Allah سبحانه وتعالى elle est présente aujourd'hui chez les adorateurs des tombeaux et chez les autres parmi les idolâtres qui adorent les idoles. Ils ont peur de leurs idoles et ils ont peur et ils essaient de faire peur aux gens au sujet de leurs idoles. Si tu les insultes, si tu essaies de les casser, si tu essaies de faire du mal, ou tu penses du mal, ou tu appelles les gens simplement à laisser tomber l'adoration de ces idoles-là, par exemple, si vous essayez de dire aux gens, cessez de les adorer, cessez de les invoquer, elles n'ont pas de pouvoir et tout ça, alors eux, ils essaient de faire peur aux gens, essayer de dire, si, attention, si tu parles en mal ou si tu dis des choses comme ça, tu vas voir, il va t'arriver quelque chose, nos idoles, elles vont te faire quelque chose, ou bien, par exemple, dans certains pays, s'ils vont faire une récolte, ils doivent aller demander à un wali ou quelque chose de bénir la récolte pour que la récolte soit bonne. Et ils doivent par exemple donner un sacrifice à certains animaux ou quelque chose. Et donc, ils disent si tu ne fais pas ça pour le chef ou pour le wali, eh bien tu vas voir ta récolte va être zéro, tu vas rien pouvoir récolter et tout ça. Et donc, c'est des exemples comme ça que les mouchriquins utilisent pour essayer de faire peur aux gens au sujet de leurs idoles ou au sujet des choses qui sont adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils essaient aussi de faire peur aux gens qui suivent le tawhid, qui ont unifié Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est très important de savoir que, c'est une des grandes formes d'adoration que d'avoir la crainte pour Allah uniquement. Et que c'est obligatoire, de purifier notre crainte pour qu'elle soit uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala dans cette catégorie-là qui est al-khawf sir. La crainte qui est dans le cœur, qui est seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le chef, il dit, il a mentionné deux versets. Premier verset dans lequel Allah dit « Ne les craignez donc pas et craignez-moi si vous êtes croyants. » Donc il a mis comme condition, si on est croyant, qu'on doit le craindre lui seul et qu'on ne doit pas craindre les autres choses en dehors d'Allah. Aussi il a mentionné un autre verset qui dit « Fala tachshawhum wachshawni » Bien entendu, entre al-khashya ou al-khawf, ces deux termes arabes sont différents. Il y a des petites nuance entre chacun de ces mots, mais quand on les traduit en français, il n'y a pas beaucoup de façon de faire comprendre exactement la différence. En arabe, j'ai vu ça dans un livre qui expliquait la différence entre al-khashya, mais c'est vraiment des subtilités, hein. Ça ne s'explique pas très bien en français. Peu importe comment tu veux le traduire, hein, ça revient toujours à avoir peur ou à avoir la crainte. Oh là là, oh là là, définition de trouble. Les définitions de l'arabe, en arabe, ça se rapproche, hein, mais il y a des nuances, mais je ne me souviens plus exactement les nuances. Mais je vais vérifier, puis peut-être. Il a distingué, Inch'Allah. Et après, on va aller à l'Ottawa, je pense qu'il va pouvoir modifier. Inch'Allah. Et le chef, il dit après, « وهذا الخوف من أعظم مقامات الدين وأجلها فمن صرفه لغير الله فقد أشرك بالله الشرك الأكبر والعياذ بالله. » Donc, le chef, il dit, cette crainte, c'est une des niveaux les plus élevés de la religion, et des plus hauts degrés de la religion. Alors, celui qui offre à Allah, yani, cette adoration-là, c'est-à-dire de crainte, yani, il a associé à Allah Santana une association majeure. Que Allah nous en protège. Donc, il dit que celui qui a cette crainte-là pour ses idoles ou pour ces choses-là en dehors d'Allah, qui est cette crainte secrète, alors automatiquement, il a fait un chef d'Allah, il a quitté la religion musulmane. Et après, il explique la deuxième catégorie de khawf. Le chef dit وَمِنْ أَنْوَعِ الْخَوْفِ أَنْ يَتْرُكَ الْإِنْسَانِ ما يجب عليه خوفا من بعض الناس فهذا حرام أو هذا محرم وهو شرك أكبر وهذا هو المذكور في قوله تعالى والذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. Donc le chef dit la deuxième catégorie, c'est la crainte d'une personne lorsqu'elle abandonne quelque chose parce qu'elle a peur de certaines choses, elle a peur de certaines personnes. Par exemple, tu abandonnes une obligation religieuse dans l'islam, quelque chose que Allah SWT t'a ordonné de faire, tu la laisses tomber, yani, parce que tu as peur de certains gens, yani, quelque chose, tu as peur que les phares ou les autres yani, vont te faire du mal, quelque chose comme ça. Et le chef, il dit ça, c'est interdit, hein, c'est une interdiction. Hein. On n'a pas le droit de laisser quelque chose dans la religion par crainte de certaines personnes. Et encore, on a donné des exemples. C'est une forme de chef atraf, hein, c'est une forme de chef mineur. C'est-à-dire, c'est pas une chose qui fait sortir quelqu'un de la religion musulmane, sauf que c'est un grand péché et c'est quelque chose qui peut amener à une grande forme de chef majeur. Et c'est ce que Allah SWT a mentionné dans le verset. وَالَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ. Lorsque on a dit à certains Allah SWT, il décrit les gens et il dit ceux que lorsque les gens viennent leur dire, les gens se sont rassemblés contre vous, alors craignez-les, ayez peur de ces gens-là qui se sont rassemblés contre vous. Au lieu de leur faire peur, qu'est-ce que ça fait? Ça augmente leur foi. Donc, quand on essaie de leur faire peur pour leur dire, ayez peur de ces gens-là qui se sont rassemblés contre vous. Eux, ça augmente leur foi. Et qu'est-ce qu'ils disent? Hasbunallah wa ni'mal wakil. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala est notre garant et il nous suffit. C'est-à-dire, pour eux, ça ne leur fait aucune peur, aucune crainte, le fait que les mouchriquins ou les ennemis se soient rassemblés contre eux. Et après, il dit, ils revinrent avec une grâce d'Allah et une faveur, et aucun mal ne les a touchés. Et ils ont suivi la satisfaction d'Allah, et Allah est possesseur d'une faveur énorme. Et après, Allah dit, c'est seulement, en fait, le shaitan qui veut vous faire peur de ses alliés. Donc, comme si le shaitan, il envoie ses alliés, essayer de vous faire peur. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Alors, ne les craignez pas et craignez-moi si vous êtes croyants. Donc, des exemples de ça, par exemple, on peut voir que les kuffars, aujourd'hui, ils n'aiment pas, par exemple, que les musulmans pratiquent la religion musulmane. Ils peuvent, par exemple, dire, on ne veut pas que les femmes musulmanes portent le hijab. Alors, il y a des musulmans qui ont peut-être la foi faible et qu'ils vont dire, ah, ces gens-là, ils veulent nous empêcher de faire notre religion et si on n'enlève pas le hijab, on va avoir des problèmes. Alors, c'est mieux d'enlever le hijab, comme ça, on ne va pas avoir de problème dans la société. Et ça, c'est quelque chose, c'est un exemple de cette crainte d'autre que Allah, qui peut amener quelqu'un à désobéir à Allah, et ça, c'est haram. La prière aussi, c'est montrer si quelqu'un, par exemple, son patron lui dit, je veux pas que tu fasses la prière. Ou bien si lui il dit, ah, je veux pas faire la prière au travail parce que peut-être je vais me faire renvoyer, je vais faire mon job. Il y a plein d'exemples comme ça dans cette société. Des choses comme ça, un musulman il doit faire preuve, il doit faire preuve de conviction et de foi. Lorsque quelque chose comme ça lui arrive, il doit dire « Hasbunallah wa ni'mal wakil ». C'est-à-dire, la femme musulmane, le père de famille qui a des femmes, qui a des filles, et puis, donc il doit être endurant, demander l'aide d'Allah, et savoir qu'il ne doit pas laisser tomber l'ordre d'Allah par la crainte, à cause qu'il a peur des représailles ou de qu'est-ce que les femmes peuvent essayer de lui faire de crainte ou lui faire peur ou quoi que ce soit. Ou que ce soit pour le travail ou autre raison. Aussi, par exemple, il y a des principes dans l'islam qui sont clairs, et puis certaines personnes, parfois c'est pas par crainte qu'ils essaient de parfois certains musulmans, ils essaient de laisser tomber des principes de l'islam, pas par la crainte, mais pour essayer de faire plaisir aux non-musulmans. Pour essayer de leur faire, pour essayer de les satisfaire. Comme ça, ils pensent qu'en faisant ça, ils vont se rapprocher des non-musulmans et ils vont pouvoir avoir des privilèges dans la société des kuffars. Et ça aussi, c'est un exemple de choses qui sont très très dangereuses pour la foi d'un musulman. Comme par exemple, une personne non-musulman va parler avec eux, ils vont demander qu'est-ce que vous dites dans votre religion au sujet de la polygamie. Et donc eux, pour faire plaisir à ces gens-là, ils vont dire non, ça c'est pas bon, ça. Je suis contre ça. Ma religion, elle le permet, mais c'est quelque chose de mauvais. Ils contredisent, ils vont contre leur religion pour faire plaisir aux ennemis de l'islam. Ou par exemple, qu'est-ce que vous pensez du djihad dans l'islam? Ils vont dire, ah, mais non, ça, c'est du djihad, c'est quelque chose qui était dans le temps du prophète, dans le temps, et aujourd'hui, bon, c'est juste qu'on ne se bat pas contre l'injustice, on ne peut pas c'est pas comme, comme par exemple, c'est pas le combat contre les ennemis de l'islam, c'est jihad al-nafs. Par exemple, on doit juste combattre contre soi-même, nos passions, nos désirs, et tout ça. Et puis ça, c'est juste ça le jihad, il y a une part, il y a de prendre les armes et d'aller pour élever la parole d'Allah, et que c'est une obligation, et tout ça. Donc, ils vont essayer de toujours nuancer les choses. Et même qu'ils vont déformer même le sens de la chose pour essayer de faire plaisir à des gens. Aussi, par exemple, les choudous, les musulmans maintenant, ils se font beaucoup harceler avec ces questions de punition dans l'islam, que ce soit la lapidation pour les gens qui font les coups de fouet pour les gens qui font la fornication, par exemple, couper la main pour les gens qui volent, ou bien par exemple, des punitions de ce genre, ils essaient de faire peur aux musulmans et ils essaient de dire aux musulmans, vous devez abandonner ces croyances et ces principes-là parce que c'est contraire avec les droits de l'homme, c'est contraire avec la charte des Nations Unies ou je ne sais pas quoi. Et puis, donc, nous les musulmans, on ne doit pas avoir peur de ces gens-là. On ne doit pas avoir peur de ce qu'ils essaient de nous faire dire ou de nous faire penser pour nous faire laisser tomber la religion d'Allah. Et tout ce qu'Allah nous a donné, nous a révélé, on doit l'accepter, on doit le suivre, même si ça nous plaît aux non-musulmans. Et donc, nous, la façon dont on accepte l'islam, ce n'est pas par rapport à ce que les non-musulmans vont penser de nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait le da'wa à l'islam, à la Mecque et à Al-Madina, lorsque Allah sallallahu alayhi wa sallam lui révélait ses versets et ses ahkam au sujet de la vie et de la religion, il n'allait pas pour essayer de changer les règles d'Allah pour faire plaisir aux mouchriquins qui allaient rentrer dans l'islam. Il n'allait pas essayer de changer la religion pour dire bon, vous ne voulez pas qu'on fasse ça, alors ok, on va vous faire un spécial et à nouveau vous, on va essayer de changer la religion d'Allah pour faire plaisir à certains d'entre vous qui ne sont pas d'accord. Non. Alors, Allah, il a révélé une chose et lorsque Allah l'a révélé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il l'a appliqué et il l'a enseigné, peu importe ce que les mouchriquins ou les autres allaient penser. Parce que tout ce qui vient d'Allah, c'est la pure justice et c'est la pure vérité. Et il n'y a pas une justice au-dessus de ce que Allah a révélé. Et tout ce qui est en contradiction avec ce que Allah a révélé, en fait, c'est ça l'injustice. Et c'est ça qui amène les gens à l'égarement. Sauf que les gens qui n'ont pas la foi, sauf que les gens qui ne croient pas au Coran et à la Sunna, qui ne croient pas à Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont incapables de voir la justice qui est dans les règles d'Allah. Ils sont incapables de les voir pourquoi? Parce qu'ils sont aveugles. Allah subhanahu wa ta'ala les a aveuglés. Il a mis sur leurs yeux un voile. Et il a mis sur leur cœur un voile aussi qui les couvre et qui les empêche de comprendre la réalité. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on voit l'attitude du croyant dans cette ayah, lorsque les gens sont venus, puis ils leur ont dit, les gens se sont rassemblés contre vous, et craignez-les, ils leur ont dit, les fagas de l'iman, ça a augmenté leur foi, au lieu de leur faire peur, ça les a augmentés en foi, et ils ont dit, hasbunallah, wa ni'ma al-wakil, alhamdulillah, ils ont confiance en Allah. Donc, ils savent que tout ce qui va arriver, c'est toujours bien. Peu importe. Et après, le chef dit, par هذا أيضا هو الخوف المذكور في الحديث الذي رواه ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحقر أحدكم نفسه قالوا يا رسول الله كيف يحقر أحدنا نفسه قال يرى أمرا لله عليه فيه مقال ثم لا يقوم فيه فيقول الله عز وجل له يوم القيامة ما منعك أن تقول في كذا وكذا فقال خشية الناس فيقول الله عز وجل فإياي كنت أحق فإياي كنت أحق أن تخشى كنت فإياي كنت أحق أن تخشى. Donc, le chef mentionne un hadith rapporté par Ibn Majah selon Abi Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il a dit que personne ne se méprise lui-même. Et donc, ils ont dit, oh, mais ça n'est pas là, comment quelqu'un pourrait se mépriser lui-même? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'une personne voit un ordre d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il y a une parole, yani Allah a révélé quelque chose sur ce point dans la religion, et eux, au lieu de le dire, yani, ils disent autre chose. Alors Allah sallallahu alayhi wa sallam va leur demander au jugement dernier, qu'est-ce qui t'a empêché de dire telle ou telle chose? Et il dira la crainte ou la peur des gens. Yani, à cause de ça, j'ai eu peur de dire la vérité ou de ce que Allah avait ordonné sur cette chose. Alors Allah va lui dire, c'est moi qui méritais le plus d'être craint, yani, que tu craignes. Je mérite plus que tu me craignes, yani, que les hommes que tu as craint. Donc Allah, c'est celui qui yani, mérite plus d'être craint, peu importe. Yani. Alors, il mentionne ensuite le shirk, la troisième catégorie de shirk, pardon, je m'excuse. Le shirk, il mentionne la troisième catégorie de crainte, non, salif, min al-khawf. Salif min anwa' al-khawf, al-khawf al-tabi'i. Wa-huwa al-khawf min aduwin, ou sab'in, ou ghayri dhalika. Wa-hada laysa bimazmoumin, kama qala Allah ta'ala fi qissati Musa. فخرج منها خائفا يترقب. Donc le chef ici, la troisième catégorie de crainte, c'est la crainte qui est naturelle. Ce n'est pas une crainte yani, qui est basée sur une croyance, mais c'est une crainte naturelle, soit la crainte d'un ennemi, ou la crainte d'un animal sauvage, yani, un animal qui pourrait te faire mal. Alors cette crainte-là, ce n'est pas une crainte qui est blâmable. Ce n'est pas une crainte qui est mauvaise, c'est-à-dire qu'elle est naturelle. C'est Allah Ta'ala qui l'a mis dans chaque être humain. Il y a des degrés différents. Il y a des gens qui ont une crainte naturelle plus que d'autres. Mais toujours, ce n'est pas quelque chose de blâmable. Il y a une petite avoir peur d'une abeille ou d'un lion ou d'un chien de garde. Et ça, c'est normal. Tu peux avoir peur que quand quelqu'un vient pour t'attaquer, hein, ça c'est quelque chose qui est naturel, c'est pas considéré comme dans le shirk ou même le shirk asrar, ni le shirk majeur, ni le shirk mineur. Yani, c'est considéré comme quelque chose de tout à fait normal. Et il mentionne l'exemple dans le Coran de l'histoire de Moussa, yani, l'histoire de Moïse, dans lequel Allah ta'ala il dit, فخرج منها خائفا يترقب. Et Moïse, il est sorti de la ville craintif en regardant autour de lui. Hein, il avait peur, donc il observait, il regardait partout parce qu'il avait peur. أما النوع الأول الذي هو خوف السر فهو من أعظم أنواع العبادة فيجب إخلاصه لله عز وجل. وكذلك النوع الثاني وهو من حقوق العبادة ومكملاتها. Donc il dit, en ce qui concerne la première catégorie qui est la crainte secrète ou al-khawf sir, فهو من أعظم أنواع العبادة, c'est parmi les plus grandes formes d'adoration. Et il est obligatoire de la limiter et de la purifier expressément pour Allah subhanahu wa ta'ala, uniquement pour Allah. En ce qui concerne la deuxième catégorie, yani, c'est aussi une obligation, yani, et c'est une des droits de l'adoration et une des choses qui vient parfaire l'adoration. Yani, elle vient pour compléter l'adoration mais bien entendu, ce n'est pas quelque chose qui fait partir de l'islam. Et le chef dit, « وَمَعْنَا قَوْمُهُ تَعَالَى إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَ أَيْ يُخَوِّفُكُمْ بِأَوْلِيَائِهِ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ نهي من الله للمؤمنين أن يخافوا غيره وأمر لهم أن يقصروا خوفهم عليه فإذا أخلصوا الخوف وجميع أنواع العبادة وأعطاهم ما يريدون وأمنهم مما يخافون فإذا أخلصوا الخوف وجميع أنواع العبادة أعطاهم ما يريدون وأمنهم مما يخافون قال تعالى أعرف الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه le chef il dit en ce qui concerne le verset dans lequel Allah a dit c'est seulement le shaitan qui veut vous faire peur avec ses alliés ou de ses alliés et bien il explique en arabe le sens que ça veut dire exactement que le shaitan avec ses alliés le shaitan veut vous faire peur par ses alliés avec les gens qui les alliés du shaitan c'est qui toute personne yani, qui désobéit à Allah ou qui appelle à désobéir à Allah ou qui appelle yani, à ce qui est haram. Donc toutes ces personnes-là sont les alliés du shaitan. Et eux, ils essaient de combattre les mu'minin, yani, de combattre les croyants et de stopper les croyants et de leur faire peur. Donc Allah, il dit c'est seulement le shaitan qui peut vous faire peur par ses alliés. Alors ne les craignez pas, mais craignez-moi. Donc il dit ça, c'est une interdiction d'Allah pour les croyants de craindre autre que lui. Et une ordre pour eux de se limiter à lui dans la crainte, c'est-à-dire de craindre personne d'autre que lui. Et lorsqu'ils ont limité leur crainte et toute leur adoration à Allah seul, alors Allah leur donne ce qu'ils veulent et il les protège de ce qu'ils ont, de ce dont ils ont peur. Et Allah, lorsque tu le crains, et bien Allah te protège de tout autre chose qui est craint en dehors de lui. Mais si tu crains autre que lui, et bien il te fait avoir peur de toute chose. Allah dit ensuite, le chef mentionne l'ayat « Alayhi Allahu bikaf al-abda » N'est-ce pas que Allah est suffisant pour son serviteur ?« Wa yukhawwifunaka bil-ladhina min duni » Et il essaie de se faire peur avec ceux qui sont adorés en dehors de lui. « Qala al-imam al-muqayyim »« Wa min kaydi adubillahi an yukhawwifa al-mu'minina min jundihi wa awliya'i » لأن يجاهدوهم ولا يأمروهم بمعروف ولا ينهاهم عن منكر وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه ونهانا أن نخافهم فكلما قوي إيمان العبد زال منه خوف أولياء الشيطان وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم. Donc, il mentionne les paroles de l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya, dans lequel le chef dit, parmi les rues de l'ennemi d'Allah, par le shaitan, c'est qu'il essaie de faire peur aux croyants avec ses armées et ses alliés. Yani, le shaitan, il a ses armées, il a ses alliés, yani, comme Allah SWT, il a les armées des croyants et il a ses alliés aussi. Donc, le shaitan, il essaie de faire peur aux croyants avec ses armées et ses alliés pour les empêcher de combattre et de lutter et pour essayer de les arrêter dans l'ordonnance du bien et dans les injonctions du mal. Et Allah SWT, il a informé les gens que ça, c'est parmi les pièges du shaitan ou les ruses du shaitan et qu'il essaie de leur faire peur. Donc, il a ordonné, Allah il leur a interdit de les craindre. Et lorsque la foi d'un croyant augmente, eh bien, à mesure que sa foi augmente, à mesure que sa crainte des alliés du shaitan diminue. Et à mesure que sa foi affaiblit, lorsque sa foi affaiblit, à cause des péchés ou à cause d'autres choses de ce genre, eh bien, en même temps, sa crainte pour les alliés du shaitan augmente. Et ça va contraire à la foi. Si ta foi augmente, eh bien, ta crainte diminue pour eux. Si ta foi descend, ta crainte pour eux augmente. Donc, c'est toujours relatif à ton niveau de foi. Après, le chef nous dit, وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فأخبر سبحانه أن المساجد لله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخر والذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم فأخلصوا له الخشية دون سواه فأحدث لهم عمارة المساجد بعد أن نفاها عن المشركين لأن عمارة المساجد لا تكون إلا بالطاعة والعمل الصالح والمشرك وإن عمل فعمله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا أو كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف وما كان كذلك فالعدم خير منه. Donc le chef dit, il mentionne un verset dans lequel Allah ta'ala dit, les seuls qui doivent peupler les mosquées d'Allah sont les gens qui ont cru en Allah et au jour dernier et qui ont établi la salat et qui ont donné la zakat et qui n'ont créé personne autre qu'Allah. Alors il se peut que cela soit parmi les bien guidés. Donc, le chef explique ce que signifie ça. Il dit, donc seulement les croyants doivent peupler les mosquées. Et les croyants, ce sont les gens qui ont cru en Allah et au jour dernier, et qui ont cru avec leur cœur, et qui ont agi, pratiqué la foi avec leur corps, et qui ont purifié pour Allah ta'ala seul leur crainte en dehors leur crainte et qui n'ont craint personne d'autre que Allah ta'ala. Donc Allah ta'ala il a affirmé que les croyants sont ceux qui peuplent les mosquées et il a nié ça au sujet des mouchriquins. En fait, ça c'est dans le verset qui était juste avant celui-là, dans lequel Allah SWT nous dit « مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ » Et après, il y a cette ayat dans lequel Allah SWT nous dit « Seulement les croyants doivent appeler les maisons d'Allah et les mosquées d'Allah » et ils mentionnent les caractéristiques des croyants. Et donc, après avoir nié que les mouchriquins aient le droit de peupler les mosquées d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ensuite il dit que seuls les croyants doivent peupler les mosquées d'Allah. Et il dit, en ce qui concerne les mouchriquins, même s'ils font du bien, eh bien leur action est comme de la cendre. Leur action est comme. C'est comme un mirage. Mais leur action, l'action des mouchriquins, ils sont comme un mirage dans une plaine désert. Et la personne qui a soif, elle croit que c'est de l'eau. Alors elle avance pour arriver, pour essayer d'avoir de l'eau. Mais lorsqu'elle arrive, elle trouve que c'est rien. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise cette parabole pour comparer la personne qui a pas cru en Allah, le mirage. Donc, il croit qu'il fait du bien, mais en fait, à la fin, il n'a aucune récompense pour qu'est-ce qu'il fait, s'il n'a pas la foi. Et Allah, il donne un autre exemple, il dit, où leurs actions sont comme de la cendre, violemment éparpillée par le vent dans une lourde tempête. Alors, si ça c'est le cas, c'est-à-dire là, que leurs actions ne valent rien, alors en fait, c'est mieux pour eux de ne pas peupler les mosquées du tout, mais c'est ça que le chien veut dire. المؤسس على الإخلاص والتوحيد والعقيدة الصحيحة الخالية من الشرك والبدع والخرافات، وليس عمارتها بالطين والزخرفة وفخامة البناء فقط وإشادتها على القبور، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك. Donc le cheikh dit, donc, se peupler les mosquées, ça doit se faire premièrement avec les bonnes actions, et ces actions-là doivent être basées sur la pureté dans la foi et dans le pratique, et par le tawhid, c'est-à-dire l'unicité, et aussi par la croyance correcte, qui est purifié de toute forme de chef, d'innovation et de superstition et de pourra-faire. C'est pas seulement de les décorer avec toutes sortes de décorations et puis de les faire toutes avec des belles constructions du marbre ou d'autres sortes de matériaux. Et c'est ça, donc actuellement, c'est ça, on construit de belles mosquées, mais on oublie de les remplir avec de bonnes actions. Moi, je disais tout le temps au père, c'est pas la mosquée qui fait les gens, c'est les gens qui font la mosquée. C'est-à-dire, c'est pas les murs qui vont nous rendre bons, c'est nous, en fait, c'est nos actions qui vont sortir de cette mosquée. Donc, si nous, à l'intérieur de la mosquée, on est bon, on pratique notre religion, on donne un bon exemple de l'islam, eh bien, Inch'Allah, ça va renforcer la mosquée, ça va embellir la mosquée, ça va rendre cette mosquée-là une source de lumière, parce que nous, ici, surtout dans le pays pauvre, on est dans le mal, on vit dans une société qui est dans l'obscurité, elle n'a pas de hidayah, elle n'a pas de guidance. Donc, si nous, on n'est pas capable de faire la différence en pratiquant, en appliquant notre religion, en appliquant la lumière qui est dans cette ville, cette religion, et bien alors, les murs ne vont pas non plus faire aucun changement si nous, on ne le fait pas. Et cette religion-là, elle n'est pas, c'est pas une question juste d'avoir les bâtiments disponibles, mais c'est de l'appliquer, cette religion. Après, aussi, c'est pas de faire des belles constructions et tout ça, puis après, on n'applique pas. Et, ou bien de faire les bâtiments sur les ponts, il n'y a pas longtemps, je cherchais dans l'internet, et puis j'ai trouvé un site, où j'ai vu, dans un pays musulman, je ne vais pas mentionner quel, mais j'ai vu qu'ils avaient fait un gros bâtiment au-dessus de la tombe d'un roi, et puis avec des choses en or et du marbre, et au centre il y a une sorte de tombeau, et puis il y a un gardien même qui est passé là, qui surveille, et puis il dit de quoi vous êtes toujours. Alors moi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a maudit la personne qui fait ça. لعنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع على ذلك يعني لعنه لا مالديكسيون يعني لعنه لا مالديكسيون مذنيه Mais en fait, on est supposé d'être tous dans la mort, on est supposé tous d'être égaux dans la mort. C'est-à-dire, quand on est enfermé dans un cimetière, il n'y a pas rien sur le temps. On voit tout le monde égaux, on est tous morts, tout est fini. Il n'y a pas une mort spéciale pour les rois, une mort spéciale pour les gens ordinaires, non. Alors, eux, ils essaient de faire des distinctions entre les tombeaux, comme ça, lorsque une personne est morte, ils font pour, si elle est une personne importante, ils font une tombe importante. Et si la personne est ordinaire, ils font une tombe ordinaire. Et ils ont essayé de faire croire qu'il y a une distinction entre les deux, alors qu'en réalité, on est tous supposés être tous égaux dans la mort. Il y a personne qui doit avoir une tombe élevée ou glorifiée pour essayer de montrer qu'il était plus que les autres qui avaient dans sa vie. Alors, les actions de celui-là qu'on ne considère pas sont beaucoup mieux. Exactement. Souvent, c'est les gens les plus humbles, les plus simples, qui ont fait les plus grandes œuvres, et qui étaient les gens les plus proches d'Allah. Donc, le fait d'avoir une belle tombe en or et puis des beaux murs en arbre et tout ça, et puis ça veut pas dire qu'on est plus près d'Allah que d'autres personnes. C'est pour ça que c'est très dangereux de faire ces choses-là. On en a parlé déjà dans d'autres cours, mais le fait d'avoir vu cette photo-là, subhanallah, et puis je me souviens quand j'étais en Jordanie, j'avais pris un magazine. Et le gouvernement jordanien disait qu'ils avaient dit qu'ils avaient dépensé je ne sais pas combien de millions pour faire la rénovation de tous les lieux où il y avait eu des tombes de certains Anbiya ou Shuhada ou des choses comme ça, donc ils avaient dépensé beaucoup de millions de dollars pour rénover et faire bâtir ces choses-là au-dessus des tombeaux des gens qu'ils considéraient comme étant des Donc tout ça c'est des gaspillages d'argent dans des choses que le prophète lui-même a interdit aux musulmans de faire. Et puis après, bon, il y a des gens qui sont pauvres, qui n'ont rien à manger, et on dépense cet argent-là pour les tombeaux des gens qui sont morts. Qu'est-ce que ça va leur servir? Donc on va continuer. Le chef dit, « وَقَوْلُهُ تَعَلَىٰ وَلَمْ يَخْشَىٰ إِلَّا اللَّهِ » Et il n'a pas créé personne excepté Allah. Ça c'est dans le verset qu'on a mentionné à propos de ceux qui peuplent les mosquées. On ne doit craindre personne autre que Allah. Et قال ابن عطية المصير قال ابن عطية يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية. وقد كتب معاوية رضي الله عنه إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يطلب منها أن تكتب له كتابا توصيه فيه ولا تكثر عليه. فكتبت له عائشة رضي الله عنها ما نصه إلى معاوية سلام عليه. أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس مؤنة الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس والسلام. رواه أبو نعيم أو أبو نعيم في الحلية ورواه ابن حبان في صحيحه بلفظ من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. دونك الشيخ المرسل أخبر في هذه الآية et ils ne craignent personne autre que Allah, ils mentionnent une parole, ils disent qu'est-ce qui est signifié dans ce verset au sujet de la crainte d'autre qu'Allah, de ne pas craindre autre qu'Allah. Ils veulent dire par là, de craindre quelqu'un d'une façon, de le glorifier, de l'adorer, comme on a expliqué au début, que la crainte est en trois degrés. La première crainte, c'est propre sur, de craindre, par exemple, une idole, ou de craindre une personne, comme par exemple, j'ai donné l'exemple des soufis, certains d'entre eux, par exemple, ils ont peur du chef, parce qu'ils croient que le chef est capable de savoir ce qu'il y a dans son cœur. Alors, ils ont peur que, quand ils sont en présence du chef, que le chef sache qu'est-ce qu'il pense. Alors, ça, c'est une autre forme de crainte secrète. Ou de crainte de réaliser. Les mouchriquins qui vont te dire, si tu dis que nos idoles sont fausses, nos idoles vont te lancer un sort, ou bien il va t'arriver du mal à cause de ça, ou des exemples comme ça. Donc, ça, c'est un exemple de crainte qui tombe dans l'idolâtrie, à l'étanchère, d'associer à Allah quelqu'un dans la crainte. Et donc, Allah, il dit, craignez-moi donc, et ne craignez pas autre que moi. Donc, c'est ça qu'il dit, وَلَمْ يَخْشَى أَحَدًا وَلَمْ يَخْشَى إِلَّا اللَّهِ. Et donc, c'est cette crainte-là qui est interdite complètement, parce que si quelqu'un craint autre que Allah de cette façon-là, il paraît être en dehors de l'islam. Mais en ce qui concerne les choses de la dunya, c'est-à-dire que tu as peur d'un voleur ou tu as peur de l'animal qui va te faire mal ou qui va t'attaquer, ça c'est la crainte qui est naturelle. D'accord? Donc là, il n'y a pas aucun problème, c'est quelque chose de naturel. Mais là, il mentionne l'histoire que Mu'awiyah, il avait écrit une lettre à Aïcha, et il lui a demandé de lui envoyer un état de lettre dans lequel elle pouvait lui donner un conseil. Et de ne pas de prolonger, de ne pas faire un trop grand métal, mais quelque chose de simple pour qui peut l'aider à lui dans sa religion. Alors elle lui a écrit ce qui suit à Mu'awiyah, salam alayhi, à Mada'at. J'ai entendu le messager d'Allah dire, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui cherche à plaire à Allah sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui cherche à plaire à Allah sallallahu alayhi wa sallam, non, il faut le dire à l'envers, parce que la façon qui ouais. Celui qui essaie de faire plaisir, celui qui choque les gens pour plaire à Allah, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui suffire pour les gens. C'est-à-dire, il va lui donner qu'est-ce qu'il a besoin sans qu'il ait à demander à quiconque autre des gens, ou il va le protéger contre les gens. C'est-à-dire, tu vas rendre les gens choqués contre toi, parce que tu fais plaisir à Allah. Et l'autre exemple, le contraire, c'est celui qui cherche à faire plaisir aux gens, qui déplaît Allah pour faire plaisir aux gens, et bien celui-là, Allah le laisse avec les gens. Il le laisse dans ses problèmes. Il ne va pas l'aider. Et il mentionne une autre histoire, aussi, qui a la même signification, celui qui cherche à plaire aux gens en désobéissant, celui qui celui qui choque les gens, qui fâche les gens pour plaire à Allah, eh bien, Allah SWT va faire que les gens soient satisfaits de lui. Mais celui qui cherche à plaire aux gens pour en désobéissant à Allah, et Allah, il va se choquer contre lui, et il va voir que les autres gens autour de lui aussi en colère contre cette personne. Donc, il faut voir, on est souvent dans une situation comme ça. On est souvent dans une situation où on doit faire quelque chose, mais on a peur que les gens soient fâchés contre nous si on le fait. Surtout si on est dans un environnement où il y a beaucoup de gens qui ne sont pas musulmans. Ou des musulmans, effectivement. Quand on va être avec eux, si on va dire quelque chose qui leur déplaît, de la vérité, on a peur qu'ils vont tous se mettre contre nous pour essayer de nous s'opposer à qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on dit. Donc il faut dans ces situations-là se poser la question, est-ce que je vais faire preuve de foi et je vais mettre ma confiance à Allah et je vais affirmer qu'est-ce qu'Allah aime, même si toute l'humanité sera contre moi. C'est ça l'attitude du mu'min, du croyant. Même si toute l'humanité est contre lui parce qu'il sait qu'est-ce qu'Allah aime, il le fait quand même. Et si tout le monde est avec lui parce qu'il va faire quelque chose que Allah déteste, eh bien, il le laisse. Même s'il risque d'avoir le support et l'approbation de tout le monde entier. Donc, pourquoi? Parce que Allah, c'est lui le maître, le créateur, c'est lui le tout-puissant. Donc, celui qui a Allah, il n'a plus besoin de personne, il n'a plus besoin des autres. Parce qu'au jugement dernier, tu auras besoin de qui? Au jugement dernier, tu auras besoin de Allah. Et tous les gens que tu as essayé de plaire, à qui tu as essayé de plaire et dans cette vie, et que tu as désobéi à Allah pour leur faire plaisir, eh bien tous ces gens-là, au jugement dernier, ils vont t'abandonner. Ils vont t'abandonner. Alors, c'est pour cette raison-là que, il y a beaucoup de versets comme ça dans le Coran. Donc, ça nous explique que, au jugement dernier. Le sort, chacun a son sort. Exactement. Chacun aura sa punition selon ce qu'il fait, selon ce qu'il a fait. Et puis, il y a une ayah qui dit, par exemple, Al-Akhila'u yawma idin ba'aduhum li ba'adun aduhum, ba'aduhum li ba'adun aduhum illa al-muttaqin. Les amis dans cette vie, les gens qui ont été des bons amis dans cette vie, ils seront ennemis les uns des autres au jugement dernier, sauf les gens pieux. C'est-à-dire ceux qui ont été des bons amis dans tout ce qui est haram, tout ce qui est mal, les choses qui sont entre eux, qui sont des péchés, ou des choses qui les éloignent d'Allah, ils sont des bons amis dans ça, ils seront au jugement dernier des ennemis. C'est-à-dire ils vont s'insulter, ils vont se traiter les uns les autres de noms, ils vont dire. Exactement, chacun un va dire c'est ta faute. Et l'autre va dire non, c'est ta faute à toi. Et l'autre il va dire malédiction sur toi. Et l'autre va dire non, malédiction sur toi. Les deux vont se détester au jugement dernier parce que leur amour, leur amitié, c'est pas basé sur al-haq, c'est pas basé sur al-iman, c'est pas basé sur la foi. C'est une amitié qui est basée sur des intérêts ou autre chose qui sont en dehors de la foi. Allah, il a mentionné aussi dans cet exemple comme ça. إنما تعبدون من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم لبعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار ils prennent des idoles et puis ils abordent ces idoles-là et ils créent des liens d'amitié entre eux, mais au jugement dernier, les uns vont insulter les autres et les uns vont renier les autres. Donc, Pourquoi? Parce que ce n'était pas basé sur la foi, ce n'était pas basé sur le crime, c'était basé sur des intérêts et tout des affaires comme ça dans la vie, et pas sur Allah mental. Donc, c'est très important de toujours être sincère et d'agir dans la vie comme si personne était devant nous excepté Allah mental. Essayer d'agir comme si devant nous, il y avait personne qui nous regarde, qui nous écoute, qui nous entend, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc si on agit comme ça, si on essaie d'agir comme ça, ça nous laisse toujours en conscience que c'est Allah, c'est pour Allah seul qu'on vit, pour personne d'autre. Tout le reste, c'est un test que Allah fait pour nous juger, pour nous mettre dans des circonstances et des situations pour mettre nos foi à l'épreuve. Pour voir si on est vraiment des mouminines ou bien si on prétend seulement être des mouminines, puis en fait notre foi est une fausse ou elle n'est pas vraiment solide ou sincère. Après le chef, il dit pas le chef de l'Islam de Moutaïmiya, Rahimahullah, wa kasabat Aisha ila Mu'awiya, wa ruya annaha rafa'athu. من أرضى الله بسخط الناس كفاه مثل الناس ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا وهذا اللفظ المرفوع ولفظ الموقوف من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له لاما وهذا من أعظم السخط في الدين فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد أتقاه وكان عبده الصالح والله يتولى الصالحين والله كاف عبده ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب والله يكفيه مؤونة الناس بلا ريب وأما قول الناس كلهم يرضون عنه فقد لا يحصل ذلك ولكن يرضون عنه إذا سلموا من الأغراض وإذا تبين لهم العاقبة. Donc le chef Mansam, les paroles d'Ibn Taymiyyah رحمه الله, et le chef Mansam, les deux narrations, la même narration qu'il a mentionné plus tôt. Sauf qu'il mentionne qu'il y en a une qui a été rapportée selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam et une autre qui a été rapportée selon un sahabi. Parce que quand on dit par exemple que quelque chose, une narration ou une citation, quand on dit qu'elle est marfour, ça veut dire c'est un terme que les ulamas de hadith ils utilisent pour qualifier ou décrire une citation qui est rapportée selon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais si on dit par exemple qu'une citation est mawquf, ça veut dire qu'elle est rapportée par un sahabi. Elle ne remonte pas jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi il y a un mawquf et un quand c'est rapporté par un tabi'i. Quand c'est rapporté par un tabi'i, que ça ne remonte pas jusqu'à un sahabi. Donc ça c'est juste différents niveaux. Donc il mentionne la même chose au sujet de faire plaisir à Allah, mais pas de chercher la satisfaction des créatures, mais plutôt de chercher la satisfaction dans la spontanée. Je pense qu'on va arrêter ici, puis on va continuer peut-être la semaine prochaine.